Cryptomania. Manhattan sur Galaxy. www.djmanhattan.com. Deeper. Media. Manhattan sur Galaxy. which one of y'all drunk all my Kool-Aid up? I don't know. Hell no. Nah. Y'all got to get the hell up out of here, man. I mean, man. operates like a killing machine. Oh. www.djmanhattan.com. Manhattan sur Galaxy. Manhattan sur Galaxy. Back. Galaxy avec un instant DJ Manhattan pour la Ghetto Mania depuis 16h et c'est en direct sur la fréquence de Galaxy. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Prudence sur la route ce soir, vous êtes très très nombreux à sortir et voici justement un petit rappel sur les différentes soirées dans les clubs, notamment du côté du Bliss Club avec la nouvelle année. Il y aura Smos et Baby B et puis les résidents, CPO, B-Watt et DJ Kyle. Et puis du côté de La Bûche, soirée spéciale avec dans la grande salle Franck J, Stéphane Signor, Manu Kenton, Hortin Cam en live et Miss Thorn et Samuel Sanders pour le résident dans la salle techno. Pour la room numéro 2, room trans et progressive, ce sera avec Juf du label Babylon Records, Fifi, Lenadi et Silversi. Puis dans la room numéro 3, ce sera Steven en compagnie de Val et Rome. Autre soirée du côté du Captain avec tous les résidents. Il y aura des animations, bien entendu, des cadeaux, shows pyrotechniques, etc. Et puis du côté de l'Escape Concept, soirée résident également avec Dava, Kevin, Guy, Anton et puis Mike pour le warm-up. À l'âge de zoo, soirée spéciale également pour le réveillon avec la team complète, Chris, Johan, Simaï, Fredush et Bitben. Du côté du Pulse Factory, je vous retrouverai bien sûr là-bas au platine avec Georges, Michael Forza, Dave, D-Cube en invité et Sipi. Et dans le Lorenz Club, ce sera Laurent Top qui accueillera Francesco. Et puis du côté du zoo, ce sera une soirée spéciale la nuit de la chance avec Ced au platine. Et puis dernière soirée à vous annoncer, ce sera la KGB Party avec Timothée, Kauna et Kalki. Galaxy. Voilà, ça c'est pour l'essentiel des soirées ce soir, ce samedi 31 décembre et tout de suite.